Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mars 2022. Je vous avais parlé d'un risque de révolution ou de guerre, le mois dernier. Bon ben voilà, on est dedans. C'est pas cool, mais malheureusement, ça va encore continuer parce que les transits astrologiques ne sont quand même pas particulièrement géniaux encore ce mois-ci, du moins sur ce sujet-là. Heureusement, ça touche pas tout le monde. Il y en a qui vont bien quand même, hein. La conjonction Saturne-Mercure, qui est en Verseau actuellement, montre que les discussions sont difficiles et même plutôt dures, sinon même bloquées. Okay. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. La nouvelle lune du 2 en poisson, qui est conjointe à Jupiter et sextile à Uranus, va apporter de beaux bénéfices aux signes d'eau, du deuxième décan surtout, et aux capricornes et aux taureaux. Le poisson est le signe de la solidarité et de la générosité, de l'entraide. Donc, beaucoup d'entre nous peuvent espérer quand même de l'aide et du soutien du monde extérieur. Nous avons toujours Vénus, Mars, Pluton en conjoint jusqu'au 7 en Capricorne. C'est plutôt positif pour la fin des signes de terre, mais dans l'absolu, ces planètes sont mal aspectées parce que Vénus en Capricorne n'est quand même pas très drôle. Mars en Capricorne, il est quand même dur et violent, donc ça en rajoute quand même une couche et conjoint à Pluton. C'est moyennement sympathique aussi. Donc tout ça, ça démontre encore de la dureté, des remises en question, entraînant des ruptures ou de la violence, surtout pour les balances et les béliers, et les cancers aussi qui peuvent être touchés. Mais bon, de la fin du signe, hein, bien sûr. La pleine lune du 18 en Vierge est opposée à Neptune et Jupiter, mais sextile à Pluton. N'est quand même pas forcément génial non plus. Les mensonges neptuniens sont mis en lumière, mais comme Vénus-Mars en Verseau seront carrés à Uranus, on voit bien que pas mal de situations restent bloquées. Uranus étant la planète du Verseau, ses transits planétaires n'en sont que plus durs et encore plus forts, puisque Uranus va maîtriser Mars et Vénus en Verseau. Donc, on les vit pleinement. Guerre, violence, sinon même problèmes climatiques qui en découlent, hein, parce que les carrés Uranus-Mars souvent dénotent aussi de tremblements de terre ou de choses de ce creux. Bon, espérons que ce ne soit encore une fois que ce que l'on vit là, mais que ça n'empire pas. Le deuxième décan des signes d'air s'en sortent bien, par contre, et eux vont avoir un renouveau de travail et de créativité dans leur vie. Par contre, les deuxièmes décans des scorpions, taureaux et lions se voient encore bien bloqué avec des soucis divers et variés en fonction de leur ciel natal. Ça ira mieux à partir du 27 où ces aspects se déferont et vous permettront de vous sentir plus libre de vos mouvements. Et ça, c'est en général. On ne peut pas dire que ce mois de mars soit bien joyeux, car Jupiter et Neptune en poisson, même s'ils sont dignifiés car dans leur signe, sont quand même capables de tout et de n'importe quoi. Le sextile à Pluton pourrait entraîner un consensus, une ouverture. Espérons que ce soit le cas. Bon, on arrive quand même à la fin du mois avec des aspects planétaires qui sont quand même un peu plus sympathiques. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt pour le mois d'avril. Au revoir, à bientôt.